Jésus-Christ. Nasalimia kila mmoja wenu mchina wa Bwana Yesu Kristo. Levons-nous pour la lecture de la parole. Tusimame juu ya usomi wa neno la Mungu. Ouvrons la Bible dans Jérémie au chapitre 49. Tufungule ma Biblia yetu mu Yeremia sura 49. Yeremia sura 49. Prenons le verset 1. Tuanzie msari ya kwanza. Le verset 2. Msari ya pili. Et avant tout, prions le Seigneur. Mbele ya yote tuombe kwanza. Notre Père céleste. Baba yetu aliye juu mbinguni. Merci pour tout. Asanti juu ya yote. Depuis le matin, les portes de cette assemblée étaient ouvertes. Tangi asubuhi milango ya kanisa hiyo ilikuwa wazi. Tes enfants sont venus ici pour t'adresser quelques mots de prière. Batoto yako balikuja hapa juu ya kuomba. Toi qui connais toutes choses, wewe mwenye kujua maneno yote, qui discerne les pensées les plus profondes de nos cœurs, mwenye kutambua kufafanusha mawazo ya upana wa moyo wetu, qui connaît les désirs de tout homme, na mwenye kujua mania ya kila mtu, et par quel chemin il traverse, na kupitia njia kani kunapitia, nous te prions d'exaucer chaque prière. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Mojina ya Yesu Kristo. Bénis ton serviteur. Ubariki. Pour toutes les exhortations que nous avons entendues. Dieu a masubutisho yote ile tulisikiliza. Il n'y a que toi seul qui peux vivifier ta semence en nous. Ni paka wewe ndio utafanya mbeko yako ichipuke ndani yetu. Ne nous laisse pas stériles. Aussi toi, tu bila kuza matunda. Que cette parole que nous recevons produise le pourquoi tu l'as envoyé. Et ce soir encore, Seigneur. Mangaribi tena bwana. Il est écrit dans les Saintes Écritures. Mime andiko ndani ya maandiko takatifu. Que seule ton onction nous enseigne. Yakuba ni paka upako wako ndio kunafundisha. Nous ne sommes rien. Si c'est à tout nakitu. Des simples micros que tu peux utiliser. Tukutu vyombo bule unaweza kutumia. Pour la gloire de ton nom. Jua utukufu jina lako. Mais nous te demandons une autre chose. Tunakuomba kitu kingine. Élève-nous dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Utunyanyue pali pa mbingu ndani ya Yesu Kristo. Parle une fois. Useme mara moja. Et fais-nous la grâce d'écouter deux fois. Na utufuanshie neema ya kusikiliza mara mbili. Que nous ayons la compréhension comme les disciples. Tupate kuona kuelewa sawa kwa wanafunzi. Du début à la fin de ce service. Mwanjo na mwisho wa ibada. Que ton nom soit élevé. Jina lako linyanyuliwe. Au nom de Jésus-Christ. Mujina Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amina. Jérémie 49. Jérémie sura makumi ine na tisa. Sur les enfants d'Amon. Yulu ya batoto ya Amoni. Ainsi parle l'Éternel. Ivi Yehova anasema. Israël n'a-t-il point de fils? Eti Israeli ana na batoto? N'a-t-il point d'héritier? Eti anana muriti? Pourquoi Malcolm possède-t-il Gad? Basi Dieu nini Malcolm anashika Gad? Et son peuple habite-t-il ces villes? Na Dieu nini taifa yake na keti mumuji Gad? C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel. Jokomana tazama masiku kuna kuja hivi Yehova anasema. Où je ferai retentir les cris de guerre. Mulenta sikilisha malalamiko ya vita. Contre Rabat. Ya kukombanisha Rabat. Des enfants d'Amon. Batoto ya Amoni. Elle deviendra un morceau de ruine. Atakuwa tu ni kipande ya matongo. Et les villes de son ressort seront consumées par le feu. Na miji yake yote itateketezwa na moto. Alors Israël chassera ce qu'il avait chassé, dit l'Éternel. Na pale Israël atafukuza wale bote bari mufukuza hivi Yehova anasema. Vous pouvez vous asseoir. Mnaweza kuikala. Ici, nous lisons la prophétie contre les enfants d'Amon. Comme nous cessons de le répéter, les Ammonites sont les enfants de Lot. Batoto ya Amoni ni batoto ya Lota. Qu'il a eu avec sa fille cadette. Bale arizala na mtoto yake wa mwisho mwanamke. Et les Ammonites occupaient le territoire d'Israël. Na baba ba Ammoni barikala inchi ya Israeli. Précisément dans l'héritage. Na zaidi ni mule muriti. De Manassé, ya Manassé, de Gad, ya Gad, et de Ruben. Na ya Ruben. Les enfants de Lot. Batote ya Lota. De sa deuxième fille cadette. Bakutokea kwa binti wa pili wa Lota ule wa mwisho. Ont occupé le territoire, une partie du territoire d'Israël. Barishika na kuikala musemu ya Israeli. Et ont occupé l'héritage de trois tribus. Na barikala muinchi ya uriti ya makabila tatu. Donc le territoire de Malas de Manassé. Manake barikala mu jimbo ya Manassé. Le territoire de Gad. Jimbo ya Gad. Et le territoire de Ruben. Na mu jimbo ya Ruben. Aujourd'hui quand on parle ici. Leo wakati hapa tuko naongea. Les Ammonites occupent la Jordanie. Batoto ya Amoni banekala mule mu Jordani. Ils sont presque à cheval. Beko katikati. Ils sont en même temps les voisins de leurs frères Moabites. Beko tena bajirani ya nduku yabo ule wa Moabu. C'est-à-dire leurs grands frères. Manake mukubwa yabo. Et de l'autre côté, na kungambo ya pili, ils sont voisins d'Israël. Beko tena bajirani ya Israeli. Les deux fils de Lot. Aba batoto bawili ya Lota. Sont de voisins directs d'Israël. Ni bajirani ya mipaka ya Israeli. Et quand ces gens ont occupé le territoire d'Israël. Wakati ya babatu barikala mujimbo ya Israeli. Il Ils en ont fait une possession. Barichugua le jimbo ya Israeli inakuwa yabo. Et pour eux, quoi, bobo? Les territoires qu'ils occupaient étaient devenus l'héritage de leurs enfants. C'est pourquoi Dieu leur pose la question ici. Vous, les Ammonites, ya kwamba mwe batoto ya Amoni, aujourd'hui vous occupez le territoire d'Israël. Leo hi munachugua na munekala mujimbo ya Israeli. Maintenant mon peuple d'Israël, sasa taifa yangu ya Israeli, n'a plus d'enfants pour hériter son territoire. Eti haina tena na batoto juu ya kuchugua ile urithi yabo. Israël n'a plus d'héritier. Eti Israeli anatena na muriti. Pourquoi vos idoles? Jua nini masanamu yenu? Que vous avez planté dans le pays, dans le territoire d'Israël. Ile muripanda mule jimbo ya Israeli. Quand vos prophètes, vos faux prophètes prophétisent au nom de votre Dieu, wakati ile manabii yenu ya bongo wanatabiri mujina ya miungu yenu ya uongo, ils vous mentent, ils disent mwana milongo fya na kumiambia, nous devons à tout prix posséder Gad, ya kwamba akika tunapashi tushike Gad. Malcolm, dont il est parlé ici, Malcolm, Mungeva Nataya apa, c'est le Dieu des Ammonites. Jo Mungu wa ba Amoni, batoto Amoni. L'apostasie n'est pas une bonne chose. Kukatala kwa imani haina kitu kizuri. Voyez, quand quelqu'un a eu la grâce d'être en contact avec le véritable Dieu, unaona wakati mtu anapata neema ya kupatana na Mungu wa kweli, d'entendre la véritable parole de Dieu, na neema ya kusikiliza neno la Mungu la kweli, quand ce dernier s'éloigne de la véritable parole du Seigneur, wakati huyu mtu akienda mbali na kuachana na neno la Mungu la kweli, comme conséquence, sawa matokeo ya mbaya, il tombe directement dans l'idolâtrie. Atanguka pale pale mkuabudu kwa sanamu. Il n'y a pas une très mauvaise chose pour un croyant, hakuna kitu kibaya kwa mwaminifu, qui a été éclairé momentanément par le Seigneur, ulariangaziwa kwa muda na Bwana mwenyewe, de tomber dans l'idolâtrie. Wanguka yeye mkuabudu kwa sanamu. Lot et ses enfants sont censés adorer le Dieu d'Abraham. Lota na batoto yake banastahili kuabudu Mungu wa Israeli. C'est par mépris ni kwa kazara utu à Israël et au Dieu d'Israël, kule bari beula Israël na kubeula Mungu wa Israeli, qu'ils se sont créés eux-mêmes des idoles. Jo bari tungia bao benyewe masanamu. Quel mépris! Mkazara ukani hiyo. Et regardez si le territoire qu'ils ont habité, tazameni mujimbo mule bari ikala, ils l'ont profané, bari chafua wala kuikufuru, dans un territoire saint, mujimbo takatifu, sur le territoire où habitaient, où devaient habiter des hommes saints, mujimbo mule muripashi kuikala bantu batakatifu. Amon y est entré. Amon yeye arikala mule. Et il a installé des hôtels de faux dieux. Nakaweka mo mazabu ya masanamu wala ya miungu ya bongo. Vous savez, frères et sœurs, munajua banduku na badada, profaner en tant que croyant, c'est une très mauvaise chose. Kukufuru sawa muaminifu ni kitu kibaya kabisa. Profaner signifie kukufuru manake ni c'est traiter avec mépris une chose sacré. Ni kubeba na kazarau kitu takatifu unakichugua na kazarau sans aucun respect. Bila heshima hata kidogo. Israël est un peuple sanctifié Israël, par élection. Israël ni taifa yenye kutakasiwa kupitia mwito kuchaguliwa. Et son territoire est sacré par revendication, parce que c'est Dieu lui-même qui avait revendiqué cela. Na jimbo yake ni yenye kutakasiwa sawa vile Mungu yeye mwenyewe alichugua kuwa yayo. Par haine, par jalousie. Kwa kazarau na kwa chuki na kwa chuki. Les fils de Lot, les fils de Lot. Batoto ya Lota. Ont traité et Israël Barichugua na Israeli et son pays na inchi yake comme profane. Barivachugua sawa makufuru. C'est pourquoi Dieu dit Joko mara Mungu anasema cette fois-ci apa sasa dans ma colère katika kasirani yangu. Les villes dans lesquelles vous avez habité deviendront de monstres, de ruines. Je vais provoquer une guerre. Je vais enflammer le territoire. Et je vais ordonner à mon peuple Israélite de vous chasser. Nantarusu taifa yangu Israeli pate kumifukuza. Comme vous les avez chassés, paka vile muri bafukuza. Autant où j'étais en difficulté avec eux, wakati ile nilikuwa nabo katika magumu, et aussi vous chasseront. Na bao pia batamifukuza. Bien aimés frères et sœurs, bapendwa nduku na dada. Et Dieu dit, vous gémirez vous aussi. Na Mungu anasema na nini pia mutaugua. Vous pousserez des cris amers. Mutapika malalamiko ya uchungu. Vous vous lamenterez. Mutalia. Vous allez courir dans tous les sens. Mutakimbia kwenda mangambo yote. Mais vous n'aurez pas de secours. Alakini hamutapata msaada. Au jour de ma fureur. Musiku ya kasirani yangu. Bien-aimés frères et sœurs, bapendwa ndugu na dada, Amon a fait une très mauvaise chose. Amon alifanya kitu kibaya sana. Prenons Ézéchiel chapitre 25. L'église est avec moi. Ézéchiel makumbi na tano. Très bien. Mzuri. Ézéchiel chapitre 25. Ézéchiel sura makumbi na tano. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Mstari ya kwanza, neno ya Yehova ikanielekea mimi. Fils de l'homme, mwana wa mtu, tourne ta face vers les fils d'Amon. Geuza uso wako mbele ya prophétise contre eux. Na watabiri. Tu diras aux enfants d'Amon. Utambia batoto ya Amoni. Écoutez la parole du Seigneur, l'Éternel, de l'Éternel. Musikilize neno ya Bwana ya Yehova. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Hivi Bwana Yehova anasema. Parce que tu as dit, Dieu a vile ulisema, ah, ah. Sur mon sanctuaire, qui est profané. Sur la terre d'Israël qui est dévastée. Et sur la maison de Juda qui est allée en captivité. Voici, je te donne en possession ces défis de l'Orient. Ils établiront au milieu de toi leur enclos. Bataweka katikati yabo ma ukuta yabo. Et ils placeront leurs demeures. Bataweka po makao yabo. Ils mangeront tes fruits. Batakula matunda yako. Et boiront ton lait. Na batakunywa maziwa yako. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku. C'est vrai, ma sœur. Ni kweli dada yangu. Dieu dit au verset 3. Mungu anasema kumusari ya tatu. Que toi tu as profané mes sanctuaires, mon sanctuaire. Ya kwamba wewe ulikufuru hekalu yangu. Et tu as même dévasté la terre d'Israël. Na unateketeza wala unaweka jangwa nchi ya Israeli. Et tu as envoyé en captivité Juda. Na unapeleka katika ufungwa Yuda. C'est pourquoi moi aussi. Je kwamana na mimi pia. Je me vengerai. Talipisa kisasi. Oui, bien-aimé frère. Dio ndugu mpendwa. Oui, bien-aimé sœur. Dio dada mpendwa. Les enfants de Lot, les Amon. Batoto ya Lot, ba Amoni. Ils avaient excellé dans leur méchanceté. Barizidi sana mkutenda kwa kubaya. Ils sont allés jusqu'à traiter les choses sacrées avec mépris, sans aucun respect. Kufika na mukimu wa kuchukua bitu takatifu na kadharau bila heshima hata kidogo. Ils n'ont pas honoré le sanctuaire de Dieu. Hawakuheshimu hekalu ya Mungu. Quiconque yeyote profane ce qui est sacré, ule kuna kufuru kitu kyenye kwa kitakatifu, il est voué à la mort. Manako huyu mtu anapaswa kuuawa. L'église est avec moi. Eti kanisa mnafuata. Dans notre marche chrétienne, je m'arrête d'abord là-bas. Safari yetu ya Kikristo. Et sur l'ordre du Tout-Puissant. Na kufuatana na agizo ya Mwenyezi. Les sacrificateurs. Mkuani. Les. Bakuani. Ont reçu l'ordre d'enseigner au peuple de Dieu ya Mungu, à distinguer ce qui est saint kenye kwa takatifu, et ce qui est profane. Na kenye kwa kia ovyo. Pourquoi? Juu ya nini? C'est pour que le peuple de Dieu ne soit pas frappé de la mort et de la malédiction. En tant que fils et fille de Dieu, nous devons toujours marcher dans les affaires de Dieu avec respect et avec crainte. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons respecter un Dieu. Nous devons respecter de son peuple. Et troisièmement, nous devons respecter tout ce qui appartient à Dieu. Quand nous traitons avec Dieu, nous traitons avec le peuple de Dieu et nous traitons avec ce qui appartient à Dieu, la crainte de Dieu, le respect doit nous caractériser dans tout ce que nous faisons. L'église de Kambove est avec moi. Quand vous venez dans l'église, Cette église ici n'appartient à personne. Aina ya muntu ata moya. Cette église n'appartient pas au pasteur. Ce n'est même pas pour le conseil de l'église. Ce n'est pas même, ce n'est même pas votre église. Cette église est un sanctuaire du Dieu Tout-Puissant. Quand vous venez ici, vous devez avoir un comportement qui honore Dieu. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas cela. Il y a des hommes et des femmes qui meurent spirituellement et qui ne savent plus avancer dans leur foi. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment se conduire dans la maison de Dieu. C'est vrai. Nikweli. Ce n'est pas pour rien qu'à Ecclésiaste. Aina kwa bule wakati muubiri. Nous écrit et dit. Anatuandikia na kusema. Lisons cette écriture. Tusome hii andiko. Ecclésiaste chapitre 4. Muubiri sura yake ya 4. Dans son verset 17. Musari yake ya 17. Ecclésiaste chapitre 4, dans son verset 17. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter. Pourquoi on s'approche pour écouter? Parce que toutes les bénédictions rédemptrices que Christ nous a acquises au bois du calvaire vient par la voix de l'écoute, de l'audition. Le salut vient par l'écoute. La guérison, utunzo, c'est par l'écoute. Inatokea mukusikiliza. La foi, imani, qui vous guérit, qui vous sauve, c'est par l'écoute. Inatokea mukusikiliza. Pour recevoir chaque bénédiction, il faut recevoir la parole de Dieu. Neno la Mungu. Et prends garde à ton pied. Lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter. Plutôt que pour offrir les sacrifices des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Vous venez à l'église sans aucun respect. Bila heshima hata kidogo. Tu viens à l'église étant habillé comme une prostituée. Unakuja mkanisa mwenye kuvaa sawa mkaaba. Comme une femme qui va dans un bar. Sawa mwanamke ule anaenda mbar. Tu viens à l'église. Unakuja mkanisa. Tu sens la fumée. Na unanuka shimoko ya tumbako. Tu viens à l'église ivre. Unakuja mkanisa mwenye kulevika. Mal habillé. Mwenye kuvaa mbaya. Comme une vedette. Sawa tu vedette. Tu profanes le temple de Dieu. Uko na kufuru ekalu ya Mungu. Vous savez, frère. Munajua nduku. Dieu avait donné une loi. Mungu alitaka sheria kubakuani. Dieu leur avait exigé Mungu alibalazimisha de porter de caleçon pour cacher les nudités des hommes, hein. Quand il allait dans le sanctuaire, comme il portait des robes, quand il levait leurs pieds, leurs jambes, il ne fallait pas que leurs cuisses apparaissent. Faire ça, c'était profaner le tabernacle, le temple de Dieu. Il devait s'habiller de manière à cacher complètement la nudité. Et vous, quand vous venez, vous vous habillez mal. Vous honorez Dieu. Vous honorez son temple. Quand vous venez à l'église, pendant que la prédication est apportée, toi tu manges les chigomes. C'est un respect. Quand vous venez dans l'église, au lieu d'écouter la parole, toi tu écris des messages dans ton téléphone à tes amants. Dans l'église, c'est un respect. Quand tu viens dans l'église, tes sous-vêtements apparaissent. C'est un respect. Vous traitez l'église de Dieu comme un bar. Parce que dans les bars, tout le monde peut entrer. Habillé de n'importe quel monde, de n'importe comment. Vous voyez bien mes frères. Vous traitez là le sanctuaire comme profane, quelque chose qui ne mérite pas le respect. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Vous êtes dans l'église. Mais dans tes pensées là, alakini, quand vous jetez le regard sur un frère, fulani, vous commencez à le mépriser. Quand vous voyez une soeur, dada fulani, regarde comment elle s'est habillée. Vila nava. Et là, tu es dans l'église. Hein? Na, tu ne sais pas comment se tenir dans la maison de Dieu. Fils de Lot, les Ammonites ont occupé le territoire saint. Ils se sont cru des maîtres. Ils sont devenus souverains sur un territoire d'autrui. Ils ont amené toutes sortes d'idolâtrie. Bakaleta aina yote ya masanamu ya kuabudu kwa sanamu. Voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpendwa. Par mépris à l'égard de l'Éternel. Kwa kazara ile walikuwa na mzara. Ils se sont fait même de Dieu. Walijifania bao wenyewe masanamu yao kuwa Mungu wao. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Parce que tu as dit Juri sema ha. Sur mon sanctuaire. Muekalu yangu mi Mungu. Qui était profané. Ile muri kufuru. Eh bien, mes frères, vous venez dans l'église, vous cassez les chaises de l'église, tu t'assois sans aucun respect, sans crainte, tu ne sais pas que ces choses-là sont déjà consacrées à l'Éternel. On s'assoit dans l'église avec crainte. Mais toi, tu t'assois comme si tu étais dans un bar. Non, frère. Non, ma soeur. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel. Parce que tu as battu des mains et frappé du pied. Parce que tu t'es réjoui de dénuement et du fond de ton âme au sujet de la terre d'Israël. Je reviendrai ici. Voici, j'étends ma main sur toi. Tazama, mina nyolosha mkono yangu yulu yako. Je te livre en proie aux nations. Na kutoa sa chakula kuba mataifa. J'extermine du milieu de peuple. Ntakumaliza katikati ya watu. Je te retranche au nombre de pays. Na takutosha muwingi ya mainchi. Je te détruis. Takuharibu. Et tu sauras que je suis l'Éternel. Na utajua ya kwamba mimi ni Yehova. Frère, Nduku, écoutez-moi. Munisikilize. Nache bote kwanza kwa mimi mwenyewe. Même nous tous en commençant par moi-même ici. Na bote kwa nafana kaji mu nyumba ya Mungu. Et tous ceux là qui servent Dieu dans l'église de Dieu. Kama unafika mukipimo unazobelea Mungu na nyumba ya Mungu na vitu ya Mungu. Si tu arrives au point de t'habituer à Dieu et aux choses de Dieu. Ujua kusema unakufa sasa. Sache que maintenant là tu es mort. Ujua kusema we peke unasinye lufu yako. Sache que toi-même tu as signé ta mort. Quand tu penses que tu es devenu maître de ce que tu fais. Wakati unazania sema unakuwa bwana wa kile unafanya. Et que tu ne le fais pas par le secours de Dieu, par la grâce de Dieu. Na ukifanya kupitia msaada ya Mungu. Tu profaneras certainement le nom de l'Éternel. Bali hakika utakufuru jina la Yehova. La crainte de Dieu te sera ôtée. Boka wa Mungu butakuondoka. Et tu pécheras contre Dieu. Na utamutendea Mungu zambi. Pour ta propre destruction. Jia kuharibika kwako mwenyewe. Frère. Nduku. Quand le pasteur commence à se croire. Wakati pasteur ananza kujizania. Que l'église est sa propriété privée. Ya kwamba kanisa inakuwa mali yake mwenyewe. Il va se comporter bizarrement. Et il va pécher contre Dieu. Et il sera détruit par Dieu. Il va commencer à poser des actes sans respect, sans considérer ce que Dieu dit. Atanza kutenda matendo bila heshima, bila kuangalia kile Mungu anasema. Tout homme qui est appelé à travailler dans les sanctuaires doit considérer ce que Dieu dit dans ces services-là. Oui, bien mes frères. Quand ma boca inakutoka muro, si tu n'as plus crainte de Dieu dans ton cœur, sache que tu as signé ta mort toi-même. Kile kinifikisha batoto Yalot ba Amon. Ce qui avait poussé aux enfants de Lot. Mais tu comportais de cette manière. À l'égard d'Israël. À l'égard de l'Éternel. À l'égard du peuple d'Israël. Il se sentait en sécurité. Ils étaient devenus propriétaires du territoire qu'ils avaient déjà ravi à Israël. Et les dieux d'Israël n'avaient plus de place dans leur cœur parce qu'eux-mêmes s'étaient créés, s'étaient inventés, fabriqués leurs propres dieux. Les enfants de Lot n'adorent pas les dieux d'Israël. Ils se sont fait leur propre dieu. Marijifania, Mungu wabo benyewe. Et il y a eu un dédain. Bakakuwa na kazarau. Qui s'est engendré dans leur âme, dans le fin fond de leur âme. Quand le malheur arrive à Israël, il se réjouit en le dédaignant. Et Dieu n'a pas apprécié ça. Na Mungu naye sikufurahiki ile tendo. Nona uko ile banaitaka sema cheko ya kazarao. Ya se qu'on appelle le rire de mépris. Un rire de mépris. Kama mtu eko na zarao. Lorsque quelqu'un ennemi wake ule mtu asheshimiake. Lorsque quelqu'un méprise son ennemi, celui qui n'honore pas la personne que lui n'honore pas. Il a des moqueries, des rires, des moqueries, des mépris. Ce n'est pas un rire de joie. Mais c'est un rire de mépris. Pour irriter cet autre. Dieu a blessé mon sentiment, ya oule mwingine. Celui qu'on n'aime pas. Le sentiment de cette personne que vous n'aimez pas. Ya oule a umpende. Dieu n'aime pas ça. Mungu apenda ke iyo. C'est le comportement qui a mené Dieu à frapper les enfants de Lot. Joi matendo iri musukuma Mungu apate kupika batoto ya Lot ba monite. Ils étaient animés par ce manque de respect à l'égard de Dieu, à l'égard de son peuple, à l'égard de tout ce qui appartenait à Dieu. Dieu ne les a pas appréciés. Oui, bien-aimés frères. Et Dieu dit, je vais exercer un jugement contre vous. C'est vrai. Il y a beaucoup de choses qu'il faut dire ici. Mais je cours maintenant au temps. Parce que je dois arrêter d'un moment à l'autre. Vous voyez bien mes frères. Dans Amos au chapitre 1. Amos sura ya kwanza. Amos chapitre 1. Amos sura ya kwanza. Dans son verset 13. Ainsi par l'Éternel. Ivi Yehova nasema. À cause de trois crimes des enfants d'Amon. Kwajili ya mauaji tatu ya batoto ya Amoni. Et même quatre. Voilà quoi dit ya mauaji yabo ine. Je ne révoque pas mon arrêt. Siwezi kuondosha mipango yangu. Je ne pardonnerai plus. Siwezi kurumia kamwe. Je ne changerai plus. Siwezi kubadilika kamwe. Ma décision. Siwezi kubadilisha mipango yangu. Parce qu'ils ont fendu le ventre des femmes enceintes de Galade. Bari pasula matumbo ya banamuke ya mimba ba ku Galade. Afin d'agrandir leur territoire. L'église est avec moi. Ili bapate kunene pesha jimbo yabo. Parce qu'ils ont vendu le ventre des femmes enceintes de Galade. Bari pasula matumbo ya banamuke ya mimba ya ku Galade. De la famille de Manassé. Ya jama ya Manassé. Parce qu'ils voulaient agrandir leur territoire. Baripenda banene peshe jimbo yabo. J'allumerai le feu dans les murs de Rabat. Mintawasha moto muma ukuta ya Rabat. Et il en dévorera les palais. Na itachoma manyumba. Au milieu des cris de guerre, au jour du combat. Katikati ya malalamiko ya vita musiku ya vita. Au milieu de l'ouragan, au jour de la tempête. Ah, katikati ya pepe mkubwa. Frère. Nduku. C'est très grave ça. Hii ni hatari. Les enfants d'Amon. Batoto ya moni. Dans leur méchanceté contre Israël. Muro ya bombaye le barmuchukia Israeli. Pour agrandir le territoire, na juu ya kunene pesha jimbo yabo, ils se sont permis bariji ruhusu à semer la terre fanya bitu bya boka bibaya parmi les enfants d'Israël, katikati ya batoto ya Israeli, dans leur méchanceté, muro yabo mbaya, avec un cœur plein de meurtre, na moyo ya uaji. Comme leurs frères qui n'avaient pas de compassion. Ils se sont permis d'aller éventrer les femmes enceintes. Quelle méchanceté! Quelle méchanceté! Frère, c'est une méchanceté que Dieu ne pardonne pas. Ini ukaidi ile Mungu hawezi kama kuhurumia. C'est comme nous le voyons aujourd'hui. Mpaka vile tukunaiona leo. Parce que quelqu'un a besoin de l'argent. Du mutu anahitaji apate fedha. Dans sa cupidité. Muile tamaa yake. Dans sa méchanceté. Mu ukaidi yake. Il va dans une maison. Atengia munyumba. Il égorge les femmes. Anakata bicho abanuke. Il égorge les enfants. Anakata bicho abanuke. Il égorge le mari. Anakata shingo. Pour qu'on lui donne l'argent. Juba mpache feza. Comment Dieu peut pardonner ces détails? Namna kani Mungu anaweza kuhurumia uaji namna hiyo. Frère. Ndugu. Ma sœur. Dada yangu. La Bible dit, Biblia nasema, ne soyez pas méchants à l'excès. Usikwe na roho mbaya kuzidi. Même la méchanceté que vous voyez dans le monde actuel. Ata ukaidi ile mnaona mudunia ya leo. Est lié toujours à la cupidité. Ni yenye kuambatana paka na tamaa ya fedha. Quand un homme ou une femme. Wakati mwanaume wala mwanamke. Déjà convoité ce qui appartient à son prochain et qu'il trouve un intérêt financier, il est prêt à faire des alliances avec Satan pour avoir ce dont il a besoin. Il est prêt à tout sacrifier. S'il faut que le sang soit versé, le sang sera versé, mais pourvu qu'il obtienne ce qu'il cherche. Ça, ce n'est pas le comportement chrétien. C'est le comportement des hommes et des femmes habités par les mauvais esprits. Et moi, et quand je lisais ça, j'ai dit, je comprends. Ce sont les enfants de l'inceste. Ils sont habités par les mauvais esprits. Ils ne sont pas venus d'un esprit pur. Voyez, frère. Ils sont penchés réellement vers le mal. Ils sont méchants à l'excès. Parce que pour arriver au point de kisu, de prendre un couteau, l'épée, upasule ntumbo, d'éventrer ya mwanamke wa mimba mujima, la femme enceinte vivante, utupe, que tu jettes son enfant, fais la terreur pour que les gens puissent fuir afin de te donner ce dont tu as besoin. Ça, Dieu ne pardonne pas. Il est Mungu hawezi kama kuhurumia. Je ne peux pas pardonner. Mungu hawezi kama kusamehe. Uko natenda nzambi. Tu commets péché pour gagner. Dieu a wako pata faida. Quelque chose dans votre intérêt. Kitu mufaida yako. Tu t'amasses toi-même le feu sur ta tête. On a dit que ça n'est pas mon tour, mon n'est pas qui tu es. Cet acte que les enfants de l'autre ont fait. Itendo batoto ya lote barifanya. À mon affaire. À mon arifanya. Dieu ne pouvait pas laisser cela comme ça. Mungu hakuwezi kuiacha bila kuyapiza. Dieu ne pouvait pas laisser ça inaperçu. Mungu hawezi kuiacha bila kuyapiza. Vous voyez. Munaona. Edom. Son frère. Ndugu yake. Avait tout fait sa compassion Arisonga contre Israël. Et lui ici, dans sa méchanceté, vous voyez, avec un esprit, il a profané même les femmes. Il les a traitées d'une manière cruelle. Comment Dieu pouvait accepter cela? Namna kani Mungu anawezi kubali matendo hayo. Dieu dans sa loi dit. Mungu musheria yake anasema. Quand tu tues par l'épée, ukiua kwa mpanga, toi aussi tu vas mourir par l'épée. Na wewe pia utakufa kwa mpanga. Vous voyez bien les mes frères. Unaona ndugu mpendi. Mais regarde là ce qu'ils ont fait. Sasa tazama matendo walitenda. Et tout ça, iyote la haine, chuki. C'est ça la fondation. Jo c'est ça la racine. La haine. Chuki. La haine chuki est capable de faire ikuna uwezo ya kufanya des choses horribles. Bitu bibaya sana. Des choses abominables. Bitu bia makufuru. Des mauvaises choses bitu criminelles, méchantes. Et de ne croire, de ne même pas croire qu'il y a un Dieu qui punira tous les péchés commis. Quand quelqu'un dans sa méchanceté est en train de faire de mauvaises choses, il ne considère même pas Dieu. Pour lui, il est Dieu. Dieu n'existe pas. Il est Dieu par sa force, comme la Bible le dit. Il y a des gens qui se sont fait Dieu par la force. Les autres se font Dieu par l'argent. Il se permet de tout faire. Non, frère. Non, ma soeur. Comme tu as fait ça, pour agrandir ton territoire, je vais envoyer le feu. Et il va aussi te consumer. Et quand ma vengeance viendra, où t'attafuta kwa kufuchamia, tu vas chercher des refuges. Tu n'en auras pas. C'est vrai, frère. La Bible dit. Biblia nasema. Dieu ne laisse aucun péché impuni. Mungu ashatake zambi hata moya bila kuyapisa. L'église est avec moi. Soyez sûrs que lorsque vous commettez des choses abominables, criminelles, méchantes, vous profanez Dieu, vous profanez le sanctuaire, vous profanez son peuple, vous ne resterez pas impuni. Hawezi kubakia bila kuapizwa. Tu prépares toi-même ton jour de malheur. C'est vrai, frère. Tu vas récolter chaque graine que tu as plantée. Si tu as tué par l'épée, l'épée sera chez toi. Et l'épée te poursuivra jusqu'à ta progéniture. Non, frère. Non, ma soeur. Ne le faites jamais. Ne le faites jamais. Kamwe mchitende matendo ayo. Seulement par haine, par convoitise. Du yachu kituna du yatama. Vous décidez. Unachugwa mpango. De détruire la réputation de quelqu'un. Kavumo ya mutu. Seulement par haine. Pour vos propres intérêts. Pour conserver votre orgueil. Vous prenez la décision de détruire la vie d'un frère, de détruire la vie d'une sœur. Vous répondrez devant le Seigneur. Les honneurs que vous cherchez, l'argent que vous cherchez, l'importance que vous donnez, sera jeté en pâture. C'est vrai, frère. Amon n'a pas respecté Israël. Amon a sikumweshi mukamo Israeli. Il n'a pas craint Dieu. A sikumuogope Mungu. Il a éventré les femmes. Ari pasula tumbo ya banamuke. Ces femmes aussi seront éventrées. Abana babibi yake nabo pia bataba pasula matumbo. Il voulait agrandir son territoire. Il perdra même le territoire. Le même Israël, qu'il avait chassé de son territoire, le même Israël le chassera encore de son territoire qu'il avait occupé illégalement. Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9. Mwanjo sura kenda. Verset 5 à 6. Musare atano hadi kusita. Sachez-le aussi. Mwijue pia. Je redemanderai le sang de vos âmes. Tamilomba damu ya manafsi yabo. Je redemanderai à tout animal. Tailomba kwa nyama ote. Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme. Talomba nafsi ya mutu kwa mutu. À l'homme qui est son frère. Wa mutu mwenye kwa nduku yake. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, kama mutu akimwanga damu ya mutu, c'est par l'homme. Ni kupitia mutu. C'est par l'homme. Ni kupitia mutu. Son sang sera versé. Jo damu yake na ye itamwanga. Car Dieu a fait l'homme à son image. Ani Mungu aliumba mutu kwa mfano wake. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, akimwanga damu ya mutu, c'est par l'homme, ni kupitia mutu, son sang sera versé. Jo damu yake na ye bataimwanga. Car Dieu a fait l'homme à son image. Ani Mungu aliumba mutu kwa mfano yake. Quand tu prends quelqu'un, wakati unachugua mutu fulani, vous le traitez comme Amon traite Israël ici et les femmes. On a tendé à savoir, ivyo amona na tendé Israël na banamuke baki. Les femmes israélites. Batoto banamuke ya Israeli. Et tous les enfants israélites. Na batoto yote ya Israeli. C'est une propriété de l'Éternel. Limali ya Mungu mwenyewe. Et tout ce qui appartient à Dieu. Na biote benye kwa bya Mungu. Est saint. Biko takatifu. On doit le craindre, on doit le respecter. Tu n'as pas chigu bioko pana kubieshimu. Mais Amon. Alakini Amon. Ame a profané les femmes. Arikufuru bana mutu. Il a profané le sanctuaire. Arikufuru ekalu. Il a profané le Dieu d'Israël. Arikufuru Mungu wa Israeli. Il a profané les enfants d'Israël. Arikufuru batoto wa Israeli. Comment Dieu pouvait le pardonner? Namna kani Mungu aliwezi kumsame. Il n'a même pas considéré qu'Israël c'est son frère. Il vient de la même souche. Il n'a pas considéré cela. Non, frère. Apana nduku. Non, ma soeur. Apana dada. Quand tu verses le sang, ton sang aussi sera versé. Yua sema damu yako na wewe bate imwangaka. tu fais des complots, wakati unafanya ma complot, quand vous méprisez quelqu'un, unabeula mutu, vous le traitez d'un homme ou d'une femme sans valeur. Unamwona sawa mwanamke wala mwanaume bila bei. Ce traitement-là, ile namna unatenda, vous reviendra. Itakurudiria. Et vous serez malheureux. Na utakuwa waole. Et vous serez malheureuse. Utakuwa waole mwanamke. Vous payerez. Utalipa. Votre péché. Zambi yako. Au double. Marambili. C'est à ce moment que vous saurez ni kitu kibaya sana utende jirani yako kitu kibaya. De faire le mal contre ton frère. Oui bien aimé frère. Dio ndugu mpendwa. Oui bien aimé sœur. Dio dada mpendwa. Esprit. L'esprit. Il y a Shétan. Satanique. Yenye kuya mêlé na chuki. Qui est mêlé à la haine. Joy la fikisha abantu kujikomporter de cette manière. C'est ce qui pousse aux gens d'agir mwile namna. Iko mzuri. Otamien. Unakwata na mambo na mtu ah. Que tu es même différent avec quelqu'un. Mungu siku moya utamuloma buluma Mungu atakurumi. Un jour tu peux demander pardon à Dieu, il peut te pardonner. Mais kama wewe uko natenda nzambi. Mais si tu commets le péché, na unakufuru na Mungu mwenyewe. Tu profanes même Dieu. Vous posez des actes. Uko natenda matendo. Comme si Dieu n'existait pas. Ya konekana sawa Mungu anako. Vous posez des actes. Il va na itaka munko. Munko. Yakusema. Sciemment. Ata ekuako. Même s'il est là. Même si Dieu est là. Ataka ma mungu ekuako. Qu'est-ce qu'il va me faire? Ata nifanya nini? C'est ça le comportement. Jo namna ya kutenda. Des frères ennemis d'Israël. Ya bantu kuba adui ya Israël. Ils s'en foutaient de Dieu, de ses lois, de son peuple, de son pays. Frère, Nduku, sœur, Dada, Mungu, Dieu est quoi? Existe réellement. On aura bantu na semaka. Voilà. Ils ont tiré ça de la Bible. Ah, ce qu'ils disent là. Aina ile shiku ile utakuria kiula. Ce n'est pas les jours que tu as mangé crapaud. Jo shiku bupele butakuote. Que tu auras de la gale. Shiku Adam arrivé dans Zambi. Les jours qu'Adam a commis péché. Je crois que Moïse est le même jour. Il n'est pas mort le même jour. Il était déjà mort devant Dieu, alors même dans son âme. Mukiro mbele ya Mungu. Mais dans le corps, il continue à vivre. Moïse a rendelé à kuishi. Tôt ou tard. Mwenda masiku. Paka uripe. Certes, il te faut que tu payes. Kile urimutendi ya Mungu. Ce que tu as commis contre Dieu. Ce n'est pas pour rien quand Dieu dit. Aina bule Mungu anasema. Je me vengerai. Ils sauront que je suis l'Éternel. Mwona kale ka phrase. Mimi ni Yehova. Ni njuba rianza kutenda bintu. Parce qu'il faisait des choses. Mwikuji en foudre. Ah. Ils s'en foutaient de Dieu. Mungu sula Mungu manfu manfu. Pour eux, quand ils agissaient, wabo, Dieu n'existait pas. Mungu anako, c'est ce que même nous sommes dit. Les méchants disent, Dieu n'existe pas. Mungu e mais ce jour-là, le jour de la vengeance de Dieu, si vous saurez que Dieu existe. Mutaju asema kumbi Mungu e kwako. Toi, tu existes, wewe kwako, mais Dieu n'existe Mungu pas. Ye anako. Mais tu existes comment? Ça c'est où quoi que Dieu? Tu t'es créé toi-même. Uri djumba wa mwenyewe. Voyez comment l'orgueil, la haine, kiburi na chuki, la méchanceté, la fureur. Mbaya, voyez comment ça crée. Kaidi, unaona namna kani kuna inaleta. Le péché. Zambi. Ne tue que le péché. Ikuna muua paka mutende. L'orgueil. Kiburi. Na ba que l'orgueilleux. Ikuna uua paka wa kiburi. Le méchant. Mutumbaya. Est tué par sa méchanceté. Ikuna muua paka kwa roho mbaya yake. Tongope mungu. Craignons Dieu. Ata uko na différent na nduku yako na dada yako. Même si tu as des différends avec ton frère. Eshimia kile mungu anasema. Honore quand même ce que Dieu a dit. Ata kama natafuta kutenda. Même si tu veux agir. Tenda pawasa wa muntu. Agis comme quelqu'un. Mais apana kuenda au-delà. Ah, il faut pas aller au-delà. Jusqu'à ignorer Dieu. Kufika na kumusabu mungu. Apana. Atalifanya nini? Qu'est-ce qu'il va me faire? Le jour itakuyako. Le jour sera là. Utajua kila atakufanya. Tu sauras ce qui te fera. Il est l'Éternel des armées. Wa majeshi mingi. Yehova wa majeshi mingi. Il a beaucoup d'armées. Et on a chunga période moya. Il attend un certain période, un moment propice. Ah, pour sentir, pour que tu sentes que c'est Dieu. Pour pas te couper. Tu vas les chercher. Dieu est patient avec les avec les orgueilleux. Mais vous milez vous ça na bakibu. Avec les pécheurs. Na batenda zambi yako na bavumiria. Ne profanez rien, frère. Ushikufuru kintu nduku. Que la crainte de Dieu. Boka bwa Mungu. Dirige nos cœurs. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Levons-nous pour un mot de prière. Vraiment que la crainte de Dieu dirige nos cœurs. Que Dieu nous vienne en aide. Mungu atusaidie. Dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous faisons, à l'égard de nos frères, à l'égard de l'Église, à l'égard de tout ce qui appartient à Dieu, à l'égard de Dieu, que la crainte du Seigneur garde nos cœurs. Prions.